La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au deuxième numéro de notre série consacrée à J.K. Rowling et à son héros Harry Potter, dans une série d'émissions proposées par Chloé Kaczmarek, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin et Lucas Vaillant. C'est une femme discrète qui n'accorde que peu d'interviews et se méfie des biographes. J.K. Rowling, née en Angleterre dans le Gloucestershire en 1965, issue d'une famille de la classe moyenne, a connu une trajectoire qui ressemble par bien des aspects à une trame pour conte de fées, puisque c'est au moment où elle était mère célibataire et vivant, on le sait, des aides sociales qu'elle a publié, après de nombreuses difficultés, le premier tome de la série qui allait en faire la première fortune d'Angleterre. Nous en parlions hier avec François Combat et Jean-François Ménard dans une émission à réécouter en podcast. Demain, je recevrai la professeure de philosophie Marianne Chaillant, auteure du livre Harry Potter à l'école de la philosophie. Elle nous expliquera pourquoi la lecture de cette saga nous apprend à mourir et comment le petit sorcier nous donne des leçons de liberté. Enfin, jeudi, nous élargirons la problématique à toute la question de la littérature de fantasy. Ce sera avec Anne Besson de l'Université d'Artois. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, une émission en deux parties. Après la chronique de Mayalen Berasategui sur les parodies d'Harry Potter, je recevrai Isabelle Smadja, auteure du livre Harry Potter, les raisons d'un succès aux éditions des presses universitaires de France. Mais pour commencer, eh bien, nous sommes avec Jean-Claude Milner, linguiste et philosophe, auteur de très nombreux livres, parmi lesquels Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques, également aux presses universitaires de France. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. La magie est et sera toujours fascinante. Il y aura toujours des livres sur la magie parce que cette fascination est très très très profondément ancrée en nous tous, dans toutes les sociétés. Le monde est rempli de magie. Et même avec toutes les avancées technologiques d'aujourd'hui, je pense que l'idée que je peux faire quelque chose qui va transformer le monde gigantesque et effrayant dans lequel je dois vivre, le rêve d'être capable de devenir un sorcier et de pouvoir contrôler le monde, conserve un pouvoir d'attraction énorme pour les adultes comme pour les enfants. As well as children. Bonjour Jean-Claude Milner. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que c'est le pouvoir d'attraction de la magie dont parlait à l'instant J.K. Rowling qui vous a conduit à vous intéresser, après de nombreux ouvrages sur beaucoup de sujets, à Harry Potter ? Le point de départ n'est pas vraiment celui-là. Le point de départ, c'est l'intuition que j'ai eue assez tôt, qu'il y avait dans l'œuvre de Carolines, assez tôt, c'est-à-dire au moment où on était à peu près au troisième tome, qu'il y avait une dimension de satire politique autour notamment de la personne de la tante. Marge, où il me semblait, confirmé quand j'ai vu le film, qu'elle était une caricature de Margaret Thatcher. Et dans le film, c'est assez clair, elle a le type de coiffure, le type de vêtements, le collier de perles de Margaret Thatcher. Et elle finit par enfler à la suite d'un sort que lui a jeté Harry Potter, et cela ça rappelle ce qui arrive au dictateur, au ballon du dictateur dans le film de Chaplin, c'est-à-dire que cette figure de pouvoir autoritaire sans frein que représente la tante Marge va finir comme une sorte de ballon qui flotte dans les airs, une allégorie en quelque sorte d'un pouvoir dictatorial. Donc ça a été pour moi le point de départ. Et d'ailleurs, J.K. Rowling a confirmé que c'était bien Margaret Thatcher qui était à l'origine de ce personnage-là. Exactement, elle l'a confirmé plusieurs années après. Lorsque j'ai eu cette intuition, c'était une intuition qui était une intuition personnelle, mais qui m'a donné le sentiment qu'il y avait une dimension de critique politique dans l'œuvre de J.K. Rowling, et cette intuition s'est confirmée. Simplement, il fallait l'approfondir, c'est-à-dire que au lieu de s'en tenir à une politique en quelque sorte du quotidien, c'est-à-dire la satire d'un Premier ministre qui d'ailleurs n'était déjà plus en exercice au moment où ce livre-là de J.K. Rowling était publié, on allait plus loin vers une réflexion sur le pouvoir politique. Mais pour terminer sur Margaret Thatcher, il y a aussi le chien de ce personnage de la tante qui est un bulldog et qui pour vous représente John Bull. C'est cela, c'est en quelque sorte John Bull qui est le symbole du peuple anglais et qui est devenu une espèce de sous couleur d'être choyé par la tante Marge, devient en vérité une espèce d'animal qui n'est plus un animal vivant, qui est entièrement à la merci de cette femme qui en fait son jouet. Et c'est aussi une allusion à ce qui advient d'un peuple soumis à un pouvoir tyrannique. Ce pouvoir tyrannique peut se présenter comme prenant soin de lui, mais en réalité, c'est à des fins qui sont des fins de jeu et de distraction du tyran en tant que personne. Donc le tyran, Jean-Claude Milner, dans la saga Harry Potter, est représenté beaucoup par ce qu'on appelle les moldus, c'est-à-dire les non-sorciers, puisque la tante Marge représente beaucoup ce monde-là. Il y a une réflexion justement sur la figure de la tyrannie, et cette réflexion se marque au fait qu'il y a plusieurs versions. La première version, aux yeux de Harry Potter lui-même, ce sont les moldus, c'est-à-dire son oncle et sa tante, qui tient pour des moldus, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, peu importe, c'est l'ensemble de ce que représente son oncle et sa tante, c'est-à-dire le monde sans magie, et dont il va être délivré le jour de ses 11 ans, en entrant dans un monde qui lui paraît un monde de liberté, un monde de merveille, qui est le monde de la magie. Et il va commencer par éprouver à l'égard du monde de la magie un amour sans limite. Il le dit à plusieurs reprises, j'aime la magie. Et peu à peu, il va découvrir qu'il y a au sein du monde de la magie des figures propres de la tyrannie, dont évidemment la figure majeure et Voldemort, mais il y en a d'autres. Il y a les figures de tous ceux qui servent Voldemort, et il va être amené à se poser des questions sur la face noire du monde de la magie, qu'il rencontre au début sans la reconnaître dans la possibilité qu'il y ait des esclaves. C'est la figure de l'elfe de maison qu'il rencontre très très tôt, mais sans y réfléchir. Et c'est peu à peu qu'il va se mettre à réfléchir sur cette possibilité. Qu'est-ce que le monde de la magie si ce monde permet qu'il y ait des esclaves ? Quelles limites cela indique de la magie elle-même ? Et qu'est-ce que ça signifie pour J.K. Rowling de dire, même dans le monde de la magie, on peut être déçu? Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas d'endroit, qu'il n'y a aucun lieu qui soit en réalité un lieu où on pourrait vivre en harmonie d'une certaine façon? C'était pas comme cela que je la lis, parce qu'il me semble qu'en sens inverse, le monde des moldus révèle quelques propriétés positives. Par exemple, c'est un monde où on peut se réfugier contre les agents de la tyrannie de Voldemort. Et surtout, les deux figures qui ont vécu dans le monde des Moldus, à savoir Harry Potter lui-même et Hermione, en dehors d'eux, il n'y a pas véritablement de magicien qui ait connu le monde des Moldus. Ce sont aussi les seuls qui aient une idée précise de ce que sont des droits et et du fait qu'il y a des limites à l'exercice du pouvoir. Les sorciers eux-mêmes n'en ont pas une idée très très nette. Et cette conscience-là, ils l'ont acquise au cours de leur vie dans le monde des Moldus. Donc il y a une sorte d'équilibrage. Et cet apprentissage de la nuance, qui est un apprentissage du monde, qui est un abandon au fur et à mesure de la naïveté, c'est le signe même que, comme vous le dites dans votre livre, Jean-Claude Milner, Harry Potter est un roman avant tout d'éducation. Oui, il est tout à fait clair que Harry Potter, lorsqu'il rencontre le monde de la magie, en vérité, devient un enfant. Avant, il ne l'était pas complètement, puisqu'il ne recevait pas ce qu'un enfant doit recevoir, à savoir l'amour de ses parents. Et il est enfant dans la dimension de la privation. En arrivant dans le monde de la magie, il devient un enfant. Et il va passer de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte. Et cette éducation-là va s'accompagner de la découverte que le monde de la magie n'est pas tout entier bon. Il va comprendre ce qu'on lui dit quand on lui dit que tous les magiciens ne sont pas bons. Et il va comprendre aussi qu'il y a dans l'héritage du monde des Moldus des ressources précieuses qui ne doivent pas être oubliées. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Harry Potter et de l'écrivain J.K. Rowling avec vous, Jean-Claude Milner. Vous nous expliquez donc que c'est une narration continue que celle de Harry Potter qui part de l'enfance retrouvée de Harry Potter jusqu'à son émergence à l'âge adulte, son émergence à la compréhension plus fine des choses. Et tout au long de cette narration, il y a des phrases qui sont des phrases clés. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu quels sont les jalons qui sont sur ce chemin-là ? En vérité, les phrases clés sont données, il y en a trois qui sont données dès le début. Simplement, Harry Potter ne va pas les comprendre. La première, c'est « tous les sorciers ne sont pas bons ». C'est ce qu'on disait Hagrid, ce qui veut dire que la magie ne porte pas en elle-même une morale qui la limite. Elle peut aller. La deuxième phrase, à mon avis très importante, c'est la phrase qui est prononcée par le vendeur de baguettes magiques, enfin le fabricant de baguettes magiques, qui dit à propos de Voldemort. On ne prononce pas son nom, qu'il a commis des choses terribles, mais grandes. Et cette disjonction entre la grandeur et la noblesse, en quelque sorte, la possibilité que des actes criminels puissent être considéré comme revêtu de grandeur, est une question qui va traverser le livre et, d'un certain point de vue, un des moments fondamentaux de l'éducation de Harry Potter, ça va être de découvrir que même Dumbledore n'a pas constamment su placer la limite. Dumbledore, c'est son frère, je crois, le frère de Dumbledore, qui dit que Dumbledore, dans sa route vers la grandeur, a sacrifié beaucoup de personnes. Et peut-être s'est-il sacrifié lui-même et a-t-il sacrifié sa vie personnelle et amoureuse aussi. Voilà. Donc, la découverte que Dumbledore lui-même a dû apprendre à disjoindre la grandeur, donc, lui-même, Dumbledore, était animé, et en quelque sorte la vertu au sens platonicien du terme, parce que je pense que la référence à Platon est une référence constante dans l'œuvre de Caroline. C'est une leçon très très importante. Une autre parole très majeure, et que Harry va comprendre seulement peu à peu, c'est cette phrase où on lui dit « Vous avez les yeux de votre mère ». Et il ne comprend pas. On lui dit à plusieurs reprises. On lui dit à plusieurs reprises. Et il ne comprend pas, je veux dire par là qu'il considère que ça renvoie simplement à une ressemblance physique. Mais en vérité, ça renvoie à quelque chose d'autre, qui est donné assez tôt par le sorcier loup-garou, traversé par cette infirmité qu'est le devenir de loup-garou, où il parle à Harry de la mère de Harry, et il lui dit elle avait la capacité de voir en chacun ce qu'il y avait de noble en lui, alors même que la personne ne le voyait pas. Mmh. Et c'est cela, en vérité, que veut dire « vous avez les yeux de votre mère ». Vous avez le regard que votre mère portait sur le monde. Vous pourrez voir la noblesse là où la personne elle-même ne la voit pas. Et c'est ce qui va se passer à la fin, le début, en quelque sorte, de la conclusion du livre, lorsque Harry va comprendre qui est véritablement celui qui l'a tourmenté pendant toute son enfance, celui qu'il déteste, considère comme un lâche et un traître, à savoir Rogue, ce professeur, dont en quelque sorte une sorte de figure de terreur pour lui et de détestation, puisqu'il le considère comme un traître, un lâche, comme quelqu'un qui a abandonné Dumbledore. Et il va voir avec les yeux de sa mère, enfin, ce qu'il y a de noble chez Rogue. Et à ce moment-là, on peut dire que le passage à l'âge adulte commence. Donc vous nous parlez ici, Jean-Claude Milner, de véritablement ce qui est une fable, car la saga d'Harry Potter est une fable, mais c'est une fable politique. Peut-être pourrait-on à présent s'interroger plus précisément sur le contenu politique de ce livre. Peut-être en commençant par J.K. Rowling elle-même, on sait qu'elle est sans doute encore amie avec Gordon Brown et sa femme, peut-être davantage sa femme d'ailleurs. On sait qu'elle a donné beaucoup d'argent au parti travailliste. Voyez-vous dans ce récit, ce long récit, une empreinte politique, une couleur politique affirmée? Oui, il y en a une. Il y a un petit détail qui me frappe, qui n'est pas forcément majeur, mais qui est quand même significatif. C'est qu'il est souvent question du Premier ministre, autrement le Premier ministre des Moldus, et de la possibilité que le ministre de la Magie, qui est en réalité le Premier ministre du monde de la Magie, discute, passe des accords avec le Premier ministre. Et il n'est jamais question du roi ou de la reine. Mmh. Et dans les films, on ne voit jamais Buckingham Palace. On voit le Parlement, mais on ne voit pas Buckingham Palace. Donc je pense qu'il y a une dimension où la question de la monarchie n'est pas essentielle à l'identité du peuple anglais. Ce qui est essentiel à l'identité du peuple anglais à ses yeux, tel qu'elle le représente par le biais des Moldus, mais aussi par le biais des Anglais magiciens, puisque c'est vraiment un monde à la fois anglais et magique qu'elle décrit dans l'école de Poudlard, c'est en fait l'habeas corpus, ce sont les droits de la personne. C'est l'héritage politique qui lui importe et dont elle pense que le Parti travailliste est le véritable représentant, parce que le Parti travailliste a inclus dans ses droits de la personne aussi les droits du travail, dont en quelque sorte la négation est représentée par l'esclave et la possibilité de l'esclavage. Donc je pense qu'il y a deux choses. Il y a une réflexion sur ce qu'est la tradition politique du peuple anglais qui, à ses yeux, a inventé le parlementarisme. Et deuxièmement, la question plus large, issue de Platon, de la philosophie politique, qu'est-ce qu'une cité libre. Et la question peut-être aussi du courage politique et une réflexion historique. Vous dites qu'on peut voir dans le ministre de la Magie une personnalité qui fait penser à Chamberlain pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, un des ministres de la Magie, enfin celui qui occupe le plus de place, est très clairement assimilé à Chamberlain. C'est celui qui nie le retour de Voldemort, qui ne va donc prendre aucune mesure et qui, à la fin, va être obligé de constater que Voldemort est de retour. Donc il y a effectivement cette dimension-là. Or, nous dit J.K. Rowling, ou en tout cas semble-t-elle nous le dire, il faut savoir faire la guerre à certains moments pour imposer une société qu'on souhaite, pour imposer la société que l'on souhaite. Et c'est un apprentissage que fait sans doute Harry Potter, Jean-Claude Milner. Oui, parce qu'en vérité, et je pense que c'est ce que signifie cette conclusion qui n'est pas si évidente, notamment dans les films. Quel est le dernier geste de Harry Potter, dernier geste significatif, je veux dire, c'est ayant en main cette fameuse baguette magique qui permet de triompher de tout, y compris de la mort, qui est donc la clé de la toute-puissance, il va la jeter dans la rivière. Il refuse d'être plus puissant, il refuse de dominer finalement le monde. Voilà, c'est le refus de la toute-puissance, parce qu'il, et ça c'est véritablement une thèse platonicienne, qui est que le pouvoir absolu conduit au mal absolu. Et au mal absolu pour celui qui détient ce pouvoir. Il est impossible de ne pas devenir un grand criminel si l'on est porteur de tous les pouvoirs. Et ça, c'est quelque chose qui est, je crois, crucial. Donc il y a, si je veux dire, deux choses. Cette lecture très anglaise liée à l'histoire de l'Angleterre et de sa tradition politique et de son histoire, d'une part, et puis une réflexion universelle sur ce que doit être la politique. Et une réflexion peut-être aussi sur la place de l'Angleterre dans le monde. On sait que J.K. Rowling, par exemple, a souhaité, puisqu'elle supervisait de très près le tournage des films, elle a souhaité que les acteurs soient tous des acteurs anglais, en tous les cas ceux qui devaient être anglais, précisément parler la langue anglaise dans le film. Est-ce que vous y voyez là un rapport particulier qu'on pourrait qualifier, je ne sais pas, de nationaliste, de patriotique, ou en tout cas d'un attachement à une certaine Angleterre? Je ne sais pas si c'est patriotique ou nationaliste, je ne crois pas que ce soit des termes qui conviennent, mais il y a clairement l'idée que en politique, l'Angleterre a inventé quelque chose. Et je dirais bien l'Angleterre au sens étroit, c'est-à-dire ça n'est pas la Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre au sens étroit du terme. Et cela se marque en vérité par le fait que le monde de la magie, si j'ose dire, n'inclut pas l'Amérique. C'est un monde tel qu'elle le décrit, c'est un monde où il y a l'Europe continentale, où il y a la France. Le fait que la France occupe, les Français, la langue française occupe une place singulière, c'est cette idée que son Angleterre ne va pas regarder vers le grand large, mais va regarder vers ses sources historiques, à savoir les Normands, sa relation avec l'histoire continentale de la présence de l'Angleterre sur le continent. Mais ce que je voudrais simplement ajouter en dernier ressort, c'est que ce dernier geste que fait Harry Potter, c'est aussi renoncer à quelque chose qui conduirait le monde de la magie à son accomplissement total. Dernier thème que je souhaitais aborder avec vous, c'est le thème de l'éducation, qui est évidemment très présent dans Harry Potter, tout simplement parce que une grande partie de la saga se passe dans ce collège de Poudlard. Que souhaiteriez-vous dire à ce sujet, la vision par J.K. Rowling de l'éducation? Qu'est-ce qui est une bonne éducation pour un enfant, pour un adolescent? Il est tout à fait évident que J.K. Rowling n'est pas une moderniste en matière d'éducation. Il n'y a pas de pédagogie. C'est anti-pédagogique, le mode d'enseignement. À quoi le voyez-vous? Par exemple, à la manière dont certains professeurs ne cachent pas leur mépris à l'égard de leurs élèves. Je pense à Rogue, par exemple. Qui n'est quand même pas toujours un personnage très positif. Enfin, non, il est vrai que... Non, mais il fait partie de l'enseignement. Ou une figure plus ambiguë, la figure de ce professeur qui collectionne les élèves comme il collectionne des objets précieux. C'est celui qui va révéler, au futur Voldemort, ce que c'est que le Horcrux, sans savoir vraiment ce qu'il fait. Mais il a un rapport, en quelque sorte, à ses élèves les plus brillants. Il les choisit, il les réunit autour de sa table, il organise des dîners où il espère qu'il y aura des conversations. Enfin, il a un rapport très ouvertement inégalitaire, il choisit parmi ses élèves ceux qui sont... Donc élitiste. Et là encore, on est peut-être contre un enseignement à l'américaine. Si j'ose dire, on est dans cette configuration qui a pu être représentée en France aussi, mais qui est là très très nette, où J.K. Rowling allie d'un côté une position, on pourrait dire, d'égalité sociale en ce qui concerne la lutte des classes, et d'inégalité en termes d'enseignement, l'idée étant que c'est l'inégalité qui va devenir le moyen de l'égalité sociale. L'inégalité dans l'enseignement devient le moyen de l'égalité dans la société. Parce que pour rentrer à Poudlard, qui est décrit comme étant une sorte de public school des magiciens, il n'y a qu'un critère au fond, et ce n'est pas un critère d'argent, c'est un critère de compétence. Et la compétence, c'est d'être un bon magicien, c'est cela ? C'est plus compliqué, c'est avoir des dons, puisque on n'est pas encore un magicien quand on entre à Poudlard, mais on a cette capacité de faire certaines choses inattendues. Et par exemple, ça c'est clair dans les livres. Si vous prenez les deux sœurs, l'une qui va être la tante de Harry Potter, la terrible tante, et l'autre qui est la mère de Harry Potter, les deux ont des dons de sorciers. Simplement, l'une des deux seulement pourra aller à Poudlard. C'est Dumbledore qui va choisir l'une des deux par rapport à l'autre. Pourquoi? On ne le sait pas vraiment. C'est le choix que fait Dumbledore. Et la future tante jalouse de sa sœur, va écrire une lettre à Dumbledore en lui disant « Mais je suis digne d'entrer à Poudlard, moi aussi. » Et Dumbledore lui dit « Mais non, non, pas pour moi. » On voit bien, Jean-Claude Milner, qu'il y a encore beaucoup à creuser. Je renvoie donc nos auditeurs sur votre livre « Harry Potter à l'école des sciences morales et politiques ». Il est disponible aux presses universitaires de France. Tout de suite, la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et pour la chronique d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maïalen Berassategui, journaliste au magazine littéraire, également spécialiste de la comtesse de Ségur. Et oui, on vous avait reçu pour ça, Maïalen, il y a quelques mois. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous parler de Harry Potter aujourd'hui, ou même plutôt des parodies d'Harry Potter, puisque c'est un univers qui déborde évidemment un petit peu partout. Tout le monde s'approprie Harry Potter. Absolument. Alors, quand on a parlé de la comtesse de Ségur, vous m'aviez demandé comment on devient un classique. Et en sortant du studio, je me suis dit, mais c'est complètement stupide. Ce que j'aurais dû vous répondre, c'est on devient un classique quand on a une famille qui se plie en quatre pour qu'on continue à vous lire après votre mort. C'était le cas des Ségur, c'était le cas de beaucoup de familles d'artistes. Et en y repensant, je me suis demandé si, à l'heure d'Internet, les communautés de fans n'étaient pas en train de complètement de prendre le pas sur l'entourage des écrivains. Si ce qui va faire d'une œuvre un classique, désormais, ce ne sera pas les conventions, les univers dérivés. On a par exemple un escape room Harry Potter qui vient d'ouvrir à Paris. Et les fanfictions, tout ce qui est écrit par les lecteurs. Et finalement, est-ce qu'une fanfiction, ce n'est pas à la littérature d'aujourd'hui ce qu'est une continuation au roman de la Table Ronde au Moyen-Âge, par exemple? Donc, en un mot, tout cet univers sur lequel les détenteurs des droits ont de plus en plus difficilement la main, mais qui contribue à la pérennité d'une œuvre. J.K. Rowling, elle est très très consciente de ça parce que elle a son propre site qui s'appelle Pottermore, sur lequel elle discute beaucoup avec ses fans, elle leur donne des informations supplémentaires sur l'univers d'Harry Potter. Et la fameuse génération qui a grandi avec Harry Potter, c'est aussi la première génération qui a ses blogs, ses chaînes YouTube, ses Wikipédia. Alors comment est-ce qu'on devient un classique de la parodie de ce grand classique qu'est Harry Potter, Maïalen? Eh bien, en fait, parmi toute cette première génération, je voulais notamment vous parler d'une bande d'étudiants de Chicago qui a créé plusieurs comédies musicales qui sont des parodies absolues. La première s'appelle A Very Potter Musical. Elle a été enregistrée en 2009 complètement avec les moyens du bord, sans décor, dans un truc absolument sombre. Et elle est devenue absolument virale sur Internet. Depuis, il y a deux autres œuvres qui ont suivi, A Very Potter Sequel en 2010 et A Very Potter Senior Year en 2012. Et ces trois pièces donnent aux fans tout ce qui leur permet de cultiver un sentiment d'appartenance. On répond à des très grandes questions que tout le monde se pose. On se demande par exemple comment Quirrell a fait pour dormir en ayant Voldemort dans son turban, là. Et donc ils ont pris deux acteurs, ils les ont collés dos à dos et ça donne une scène absolument hilarante où on voit que Dolores Umbridge, quand elle est embrassée par un détraqueur, c'est le détraqueur qui meurt parce qu'elle est tellement sadique que le détraqueur meurt. Alors avant que vous poursuiviez, on va écouter quand même un extrait pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est l'extrait de A Very Potter Musical. Absolument. Formidable, ça donne envie d'y aller. Bah oui, non, mais du coup, en plus, ils ont fait toute une série de concerts, ils ont fait deux tournées aux États-Unis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'acteur qui joue Harry Potter a été casté dans Glee, qui est une énorme série américaine, et ça leur a donné une visibilité énorme. Et donc, non seulement ils agrègent les fans, mais en plus, ils créent aussi des œuvres qui donnent à des gens qui donc ont grandi tout ce qu'Harry Potter ne donne pas, notamment en matière de blague potache, scatologique, de référence à la sexualité. Et donc, par exemple, il y a des références à la sexualité. Absolument, à Poudlard. Donc, alors, Dumbledore est gay et absolument heureux de l'être. Et le choix-peau magique est en couple avec Scarfy, qui est l'écharpe de l'orientation sexuelle magique. Et donc, par exemple, Hermione, on sait qu'elle attend jusqu'au mariage et qu'elle écrit elle-même des fanfictions érotiques à partir d'œuvres de Gilderoy Lockhart, qui est donc ce professeur qu'on retrouve en deuxième année, qui est un écrivain très connu. Et donc, pour Starkid, ça s'est très très bien passé. Je vous l'ai dit, ils ont eu un succès énorme, mais ça aurait pu très très mal se finir. En fait, ils ont un peu essuyé les plâtres, parce qu'au départ, Warner n'était pas du tout content. Ils ont dû enlever leur spectacle d'Internet. Ils ont passé un accord avec Warner dont les termes sont peu connus. Enfin, sont pas connus, mais en gros, l'idée, c'est que si quelqu'un, quelque part, joue leur pièce contre de l'argent, ils peuvent être poursuivis. Donc, ils font très très attention à ça. Et ça, c'est des règles un peu tacites, mais qui continuent d'influencer d'autres pièces. Par exemple, en ce moment, à New York, il y a une pièce qui se joue à guichet fermé. Elle s'appelle Puffs. C'est une pièce qui se passe à Poufsouffle, la maison des gens qui n'ont pas été choisis pour sauver le monde, mais qui ont vu Harry Potter quand même. Et donc, elle est sous-titrée « Seven increasingly eventful years at a certain school of magic and magic », soit « Sept années de plus en plus riches en événements dans une certaine école de magie et de magie ». Mais ils ne font aucune référence explicite. Voilà. Donc, ils ont aussi fait deux versions, une familiale et une pour les plus de 13 ans. Et ça montre bien un peu les limites qu'il peut y avoir à faire des pièces un peu trash, entre guillemets, à partir d'œuvres de la littérature de jeunesse, en sachant qu'à l'arrivée, ça peut être visionné par tout le monde, et notamment par les premiers lecteurs des œuvres. Voilà, donc, pour voir des œuvres devenir un classique, les auteurs aujourd'hui peuvent compter sur leurs lecteurs, à condition que la grosse machine économique qui a contribué à leur succès veuille bien suivre et qu'elle y trouve aussi son compte. Merci beaucoup pour cet éclairage, Maïalène Berasategui, et puis à bientôt. La compagnie des auteurs, seconde partie. Nous sommes à présent rejoints par Isabelle Smadja, professeure de philosophie et auteure de nombreux livres, parmi lesquels Harry Potter, Les raisons d'un succès. C'est également aux Presses universitaires de France. Je suis venu confier Harry à sa tante et à son oncle. C'est la seule famille qui lui reste désormais. Vous voulez dire... Non, c'est pas possible. Pas les gens qui habitent dans cette maison, s'écria le professeur McGonagall en se levant d'un bond, le doigt pointé sur le numéro 4 de la rue. Dumbledore, vous pouvez pas faire une chose pareille. Je les ai observés toute la journée. On peut pas imaginer des gens plus différents de nous. En plus, ils sont un fils. Je vous ai vu donner des coups de pied à sa mère tout au long de la rue en hurlant pour réclamer des bonbons. Harry Potter, venir vivre ici. C'est le meilleur endroit pour lui, répliqua Dumbledore d'un ton ferme. Son oncle et sa tante lui expliqueront tout quand il sera plus grand. J'aurai écrit une lettre. Une lettre ? Répéta le professeur McGonagall d'une voix éteinte en se rasseyant sur le muret. Dumbledore, vous croyez vraiment qu'il est possible d'expliquer tout cela dans une lettre ? Des gens pareils seront incapables de comprendre ce garçon. Il va devenir célèbre, une véritable légende vivante. Vous ne serez pas étonné que la date d'aujourd'hui lui devienne dans l'avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. C'est vrai, dit Dumbledore en la regardant d'un air très sérieux par-dessus ses lunettes en demi-lune. Il y aurait de quoi tourner la tête n'importe quel enfant. Être célèbre avant même d'avoir appris à marcher et à parler. Célèbre pour quelque chose dont il ne sera même pas capable de se souvenir. Ne comprenez-vous pas qu'il vaut beaucoup mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela, jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'assumer ? Un extrait choisi dans les premières pages du premier tome de la saga Harry Potter et lu ici par Bernard Giraudot. Bonjour Isabelle Smadja. Bonjour. Alors on le disait hier, l'histoire de Harry Potter c'est celle d'un garçon qui doit affronter aussi le fait d'être célèbre. Et c'est exactement ce qui va arriver à J.K. Rowling elle-même. Et vous, vous êtes concentré sur les raisons de ce succès incroyable. En effet, comment expliquer un tel succès éditorial et qui jette presque immédiatement d'ailleurs le discrédit finalement sur l'ouvrage lui-même au point de l'exclure du champ de la littérature, Isabelle Smadja. Oui, on est dans une littérature qui est une littérature populaire, qui est une littérature qui est, disons, un champ de la littérature qui était la littérature de jeunesse, qui était un petit peu préservé de tout ce qui était commercial. Si bien que les auteurs de littérature de jeunesse se sont un petit peu révoltés contre l'arrivée massive, comme ça, d'une commercialisation, d'une potterisation, avec des fêtes autour du nouveau tome, du prochain tome, etc. Les médias ont beaucoup repris cette phrase, hein, il va devenir célèbre, une véritable légende vivante, parce que là, la fiction se fait réalité. Elle se fait réalité parce que le roman de J.K. Rowling est parallèle avec le roman de sa vie, puisque elle-même devient de femme seule qui élève sa fille, devient une femme peu à peu extrêmement célèbre. Alors il y a quand même beaucoup d'interprétations qui ont été faites sur Harry Potter. On entendait tout à l'heure Jean-Claude Milner nous donner d'ailleurs la sienne, mais il y en a d'autres. Il y a eu aussi des interprétations purement scientifique, par exemple, Isabelle Smadja, où il s'agissait de savoir si, au fond, la cape d'invisibilité, est-ce que ça n'existerait pas, finalement ? Oui, il y a déjà eu... Bon, la cape d'invisibilité a été faite entre-temps, mais disons que je vois donc une partie du donc vous nous dites qu'on peut succès... l'acheter pour Noël, là, ça y est. Je crois que c'était des inventions militaires, quand même. C'est la NASA, mais, ok. mais une partie de l'originalité de ce roman, une partie de son succès, c'est que, précisément, elle arrive à faire un conte de fées qui intègre des inventions qui parlent complètement à cette génération des screenagers qui sont dans un monde de l'internet et tout en restant quand même ou tout en balançant complètement en équilibrant le moderne et le moyenâgeux ou le médiéval puisque la carte du maraudeur c'est cette carte déjà il y a beaucoup d'endroits où il faut un code d'accès si vous n'avez pas le code d'accès vous pouvez pas rentrer et puis il suffit d'avoir percé le code et puis on voit où se trouve quelqu'un, y compris quelqu'un qui marche et tout. Et cette capacité qu'elle a eue à, disons, la cape d'invisibilité, c'est la même chose. On peut être invisible tout en étant à un endroit, tout en étant dans un site ou sur un site. Donc c'est quelque chose qui parle vraiment à la génération Internet, comme cela. Hein. De même, de la téléportation, du transplanage, des inventions qui permettent de se transporter d'un endroit à un autre sans que on ait besoin de plus qu'un clic. Et en même temps, en 1996, quand paraît le premier tome, Internet, c'est quand même encore assez peu de choses pour le grand public. Oui, mais elle a su, hein, c'est ce qui apparaît avec les fanfictions, les fanarts, qui très très vite se développent. Elle a su proposer en fait une lecture qui n'est pas seulement une lecture d'imagination, mais une lecture action. Dans la mesure où il y avait un certain nombre de pistes, déjà il y avait l'inachèvement du roman qui a été extrêmement importante parce que on pouvait essayer de deviner la suite grâce à des intrigues, des petits points de détail. Comme cela. Est-ce que... D'où, d'ailleurs, toutes les fanfictions, je crois qu'il y en a plus de 200 recensées rien qu'en français. C'est, beaucoup plus. Ou même encore beaucoup plus. Et du fan art aussi, une créativité assez incroyable. Hein. Esthétiquement, ce sont de très beaux sites. C'est des gens, donc des étudiants, souvent, ou même, je pense à Mystègne, qui a fait une fanfiction, qui a 40 ans, en fait, quand elle a fait sa fanfiction. Et, en fait, c'est vraiment une lecture où elle tenait compte des pistes que les lecteurs avaient trouvées. Est-ce que Dumbledore va mourir ? Est-ce que c'est Rogue qui va mourir ? Ah, donc elle lisait elle-même les fictions de ses lecteurs. Et ça a influencé l'écriture. Il semble qu'elle essayait de surprendre et donc de ne pas se faire ce que d'autres avaient déjà imaginé. Pensé ou découvert. Oui. Oui. Alors, il y a aussi autre chose qui peut expliquer le succès, Isabelle Smadja, de ce livre. C'est, au fond, que Harry Potter, c'est une revanche sur le néant. On ne s'ennuie jamais dans le monde de Harry Potter, alors que dans le monde des moldus, on s'ennuie beaucoup. Donc ça, c'est sûrement très agréable, finalement, pour le lecteur. Oui, c'est vraiment un orphelin. Bon, déjà, on retrouve le fantasme du roman familial, du roman des origines, des fantasmes de toute puissance. C'est vraiment un orphelin qui, de rien, devient tout, quoi, hein, complètement. Et disons, moi, ce qui m'avait surpris, c'est de voir comment les jeunes lecteurs, et aujourd'hui encore, hein, les jeunes lecteurs qui découvrent le premier tome, tomes vont le dévorer, vont dévorer les autres tomes, vont le relire. Et quand on dévore, c'est qu'on veut s'approprier. Et disons, alors quels sont les désirs qui qui étaient satisfaits, qu'est-ce qui était structuré, qu'est-ce qui s'élaborait dans le roman, qui pouvait ensuite s'élaborer dans l'inconscient. C'était cela ma question. Et donc j'ai plutôt axé sur déjà sur une piste psychanalytique pendant un temps, savoir bon c'est le roman familial, hein, cette capacité qu'a cet enfant. C'est le fantasme d'être un enfant seul, sans parents, et d'accepter, d'accepter ou pas d'ailleurs, mais enfin cette idée que on tue ses parents et que du coup on se retrouve un peu libre, maître du monde. Donc il y a cette espèce de fantasme pour vous. Oui, c'est le fantasme d'avoir que ses vrais parents. Qu'on pourrait penser les Dursley comme ses vrais parents à Harry, en fait ne sont pas ses vrais parents. Et que ses vrais parents, ils sont morts dans des conditions extraordinaires, des conditions héroïques. Et en plus, le fantasme chez Harry Potter, que sa mère, sa propre mère, s'est sacrifiée pour qu'il vive. Donc elle est morte pour qu'il vive, et ensuite, à lui, en un sens, de l'évanger de celui qui les a tués. Bon, et puis il y a aussi, évidemment, si on est du côté de la psychanalyse, les relations amoureuses. Mais au moment où Harry écartait la tapisserie qui masquait leur habituel raccourci vers la tour de Gryffondor, ils virent Dean et Ginny étroitement enlacés, qui s'embrassaient furieusement comme s'ils avaient été collés l'un à l'autre. Harry eut alors l'impression qu'une grosse créature couverte d'écailles prenait vie dans son ventre, lui griffait les entrailles. Il lui semblait qu'un sang brûlant inondait son cerveau, annihilant toute pensée, ne laissant plus qu'un désir sauvage de transformer Dean en un tas de gelée. Aux prises avec cette soudaine folie, il entendit la voix de Ron comme si elle lui parvenait de très loin. « Hé, là !» Dean et Ginny se séparèrent et se tournèrent vers eux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit Ginny. « Je ne veux pas voir ma propre sœur bécoter les gens en public. »« Viens, Ginny, » murmura Dean. « On n'a qu'à retourner dans la salle commune. »« Vas-y tout seul, » lança Ginny. « Moi, j'ai deux mots à dire à mon cher frère. » Alors là, on est dans l'émergence de l'amour et aussi dans l'émergence de la jalousie. Et vous dites que c'est un roman qui parle des désirs inconscients en les dissimulant, au fond, sous l'excuse de la sorcellerie. Est-ce que cet extrait correspond à ce que vous vouliez dire ou est-ce qu'on est là dans autre chose ? Ici on est vraiment dans du quotidien, disons dans du réel, dans le réel. Et j'ai l'impression que Rowling s'arrange pour multiplier les possibilités de s'emparer comme cela du quotidien pour le hisser au rang de l'imaginaire. Et il y a, je crois que c'est aussi un avantage. On a à la fois une lecture miroir comme cela, une lecture qui permet de lire de soi-même quelque chose de soi-même. Et de ses fantasmes, et puis une lecture fenêtre qui ouvre un imaginaire. Ici, on est dans la lecture miroir, effectivement, mais très vite, on va retrouver la lecture fenêtre qui ouvre un imaginaire différent. Et je crois que vraiment, le plaisir de la lecture provient de cet équilibre entre un éloignement, on est dans un monde, un collège extrêmement différent, ensemble, apparemment, de celui qu'on peut connaître, et équilibre avec entre l'éloignement et la proximité. Donc un balancement constant comme cela entre le dépaysement et le quotidien. Un dépaysement qui va ouvrir à des inventions absolument merveilleuses qui sont le miroir du Risette, qui sont les sombrales. Les sombrales, ce sont des êtres fantastiques qu'on ne peut voir que si on a déjà vu un mort. Et donc, c'est cette espèce de vision aussi, de conception de l'enfance ou même de la vie qui fait que, disons, la souffrance, la douleur nous ouvre à autre chose encore, nous ouvre à un autre, à un regard plus perçant. Mais elle regorge tellement d'imagination qu'effectivement, on comprend tout à fait la présence de fanfiction qui, se greffe complètement sur cette possibilité de s'emparer du roman pour en tirer, de cette lecture palimpseste, de tirer énormément de choses. Alors, on est dans un conte de fées, mais on est aussi, dites-vous, dans une assez grande rationalité. Finalement, la sorcellerie n'est pas quelque chose que promeut, que semble promouvoir J.K. Rowling, Isabelle Smadja. Elle est vraiment dans une recherche. C'est un roman d'éducation, ce que disait Jean-Claude Milner, et par conséquent, il y a une volonté, hein, et le miroir du désir, c'est aussi son secret, puisque le miroir du désir, c'est du Rizet, c'est ce qui fait voir non pas son reflet, mais son désir le plus profond. Mais immédiatement, Harry Potter, qui retourne toujours voir ses parents, qu'il voit dans ce miroir, averti par Dumbledore qu'il ne faut pas, sans casser le miroir, il ne faut pas rester trop longtemps dans ses rêves et dans ses désirs. Il faut aussi être capable de s'en détacher parce que sinon, dit-il, certains sont devenus fous pour avoir cru que leurs désirs pouvaient devenir réalité. Mmh. Donc, on est dans un monde effectivement qui est très paradoxal où la magie, la sorcellerie se présente comme ce qui va nous permettre de retourner dans le réel. Mais la sorcellerie, en tant qu'elle est, par exemple, divination, n'est pas validée par J.K. Rowling. Et il y a beaucoup d'indices qui nous montrent qu'on est dans une sorte de sorcellerie, mais on est aussi dans la rationalité et dans la science. La manière dont les professeurs donnent des cours, par exemple, tout cela, c'est enseigné comme étant de la science et donc pas vraiment de l'irrationnel complet. Avec une élève qui, plus que les autres, est une élève de la rationalité et de la scolarité, puisque Hermione, c'est celle qui va utiliser complètement les connaissances scolaires pour aider et pour parfois sauver les trois amis. Alors que les autres qui sont, vis-à-vis de leur scolarité, plutôt un petit peu blasés par cet attrait de la magie, ne parviennent pas, en dépit de leurs dons, à se sauver eux-mêmes. C'est les connaissances scolaires et donc l'érudition d'Hermione qui parfois aide les autres. Mais il y a cette complémentarité. Il faut effectivement le don sorcier, mais il faut aussi des connaissances qui sont celles de l'école. Oui. Et ça permet de sauver aussi l'école, parce qu'il y aurait sinon cette idée que finalement, l'apprentissage, le vrai, il se fait quand même en dehors de l'école. Oui, il se fait à l'école, parce que... Dans les salles de classe. Peut-être l'idée de tuteur, comme cela, qui est une idée très anglaise, aussi une éducation très anglaise. Ce qui fait les relations sociales, mais c'est aussi le fait que certains professeurs sont des sages, ou ils sont pensés comme des sages. Et Harry, malgré tout, même s'il transgresse souvent des règlements, est extrêmement à l'écoute de ce que dira Dumbledore. Ensuite, le passage à l'âge adulte ou même à l'adolescence amène Harry à repenser le statut de Dumbledore. Au fond, c'est quand même une fiction qui, à la fin, même si elle fait peur, si elle peut faire peur, rassure davantage qu'elle n'inquiète. Oui, Rowling, le premier tome est extrêmement essentiel parce que ce premier tome, elle a inscrit complètement dans le conte de fées. On est dans un conte de fées dès le départ puisque d'orphelin comme maltraité, il devient d'un coup un sorcier célèbre et c'est comme un contrat de lecture ou un pacte de lecture. C'est-à-dire que même si ensuite les aventures deviennent très très sombre. On entre dans une montée de la haine raciale, dans le terrorisme, des attentats terroristes, etc. On sait quand même qu'on est dans du merveilleux. Et donc, du fait qu'elle a inscrit, comme elle a fait de Harry, un espèce de cendrillon moderne, eh bien, je crois qu'on a vraiment l'impression que malgré tout, elle ne le fera pas mourir. Et pour cela aussi, Harry Potter est sans doute une lecture qui aide à grandir. Merci Isabelle Smadja. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'essai Harry Potter, les raisons d'un succès, paru en 2001 aux presses universitaires de France, et que vous avez également dirigé avec Pierre Bruno le recueil d'articles Harry Potter, ange ou démon, toujours au PUF, mais cette fois en 2007. Demain, nous parlerons de la mort, de la liberté, du réel et de la fiction. Bref, nous parlons de la philosophie chez Harry Potter et ce sera avec Marianne Chaillan. Mais tout de suite sur France Culture, eh bien c'est le moment de retrouver la magie poétique de Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour la compagnie des auteurs qui se tiennent compagnie, c'est possible aussi, Zeno Bienu et Robert Desnos cette semaine. Prenez La Maison, poème de Desnos. Trois fois le vent, plus libre et plus furieux qu'un ange, a soufflé dans son corps auprès de la maison. Qu'un ange ? C'est un ange évadé de prison qui descend l'escalier, mais que l'ombre dérange, l'ombre qui le repousse et dont la toile étrange accroche des soleils au fil de l'horizon. Et plus de ver luisant qu'il n'en est au gazon, ou dans l'obscurité protectrice des granges. Il descend et son pas teinte dans l'escalier comme un pot de cristal sur le sol du cellier. Il descend, il atteint déjà le vestibule, le porche s'ouvre en grand sur l'entonnoir des nuits. J'écoute et l'imagine, il marche, il sort, il fuit, il vole dans un ciel crevé de péninsules. Il vole dans un ciel crevé de péninsules. Envoyez ça à Léo Ferré, s'il vous plaît. Vous mettrez sur ma tombe une bouée de sauvetage, parce qu'on ne sait jamais, dit Robert Desnos. Et il souffle à l'oreille de Zeno Bienu, tu priseras la poudre de mes textes pour aiguiser ta lucidité, parce qu'on ne sait jamais. Tu plongeras comme une sirène en écriture profonde, parce qu'on ne sait jamais. Tu referas mes tours de magie au bord des trous noirs, parce qu'on ne sait jamais. Tu rejetteras les vieilles lunes pour te frotter aux soleils adolescents, parce qu'on ne sait jamais. Tu imagineras chaque étoile comme un tourbillon de mots, parce qu'on ne sait jamais. Tu laisseras les yeux glisser vers l'infini, parce qu'on ne sait jamais. Tu prendras toujours la passerelle de fortune, parce qu'on ne sait jamais. Tu n'oublieras pas le diamant de la révolte, parce qu'on ne sait jamais. Tu entreras dans la nuit vêtue d'immensité, parce qu'on ne sait jamais. Tu tendras un miroir au bleu du ciel, parce qu'on ne sait jamais. Tu reviendras doucement à l'aube du langage parce qu'on ne sait jamais. Tu sauras que tout peut arriver parce qu'on ne sait jamais. Tu sauras que tout peut arriver parce qu'on ne sait jamais. Le bonbon, c'est un poème de Robert Desnos. Je suis le roi roi des montagnes. J'ai deux bobos, bobos, bobos, yeux. Il fait une chaleur. J'ai nez, j'ai doigt à chaque main. J'ai dans. Tu me fais souffrir, mais peu m'importe, la porte. C'est Robert Desnos aussi qui disait « Je reçois le baiser d'ivresse des cyclones ». Soufflez lentement sur le sexe des livres, faites-les vibrer, répond Zeno Bienu. Laissez-les longuement flotter dans l'air, jusqu'en quel méandre d'intensité un tel souffle peut conduire, jusqu'à quelle splendeur tremblante un souffle, un seul, que chaque livre désire pour prendre son envol. The touch of your lips, the touch of your apocalypse. Jacques Bonnafé qui lisait des poèmes de Robert Desnos et de Zeno Bienu. Et dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la série musicale.